les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Happy Dance 35, l'unique émission qui vous fait découvrir un classement, celui des 35 meilleures musiques EDM de la semaine. Moi je m'appelle Ismaël et comme d'habitude, on va partir ensemble pour 2 heures de musique presque non-stop. Mais avant ça, voici les singles qui nous ont quittés cette semaine. Feeling Good de Nightmare, écoutez ça. Feeling Good nous quitte donc cette semaine. C'est pas tout, il y a aussi Born to Love de Medusa. Il y a aussi Galantis avec Never Felt a Love Like This. MK avec One Night, un single bien connu si vous suivez Happy Dance 35 depuis un moment. Et puis le dernier single à nous quitter cette semaine, c'est un single signé de Griffin, Need Your Love. Sur ce les amis, préparez-vous puisque dès à présent on part dans le classement des 35 meilleurs tubes EDM de la semaine avec l'ex numéro 27, c'est In Your Eyes de Robin Schulz et Alida dans Happy Dance 35. 2 heures de meilleurs hits musicaux de dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 35. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. 'Cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel a fire come alive, so calm before the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. You felt that burning flame. You're chasing stars alive. What was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel the fire come alive, so calm before the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. Dans le top 35. Hit numéro 34. What inside? À l'instant, dans Happy Dance 35, les amis, on vient de découvrir deux superbes nouveautés. La première, c'était New Gods de Grimes, qui vient de sortir suite à la sortie de l'album Miss Anthropocene. Alors, je vous préviens tout de suite, cette semaine, dans Happy Dance 35, on en a pas mal du Grimes à écouter. Tout à l'heure, d'ailleurs, en numéro 31, on aura Darkseid, toujours issu du même album. Et puis, c'est pas tout, puisqu'à l'instant, c'était Les Seven Lions que l'on a écouté avec Tyler Grave. C'était Only Now. Franchement, je vous avoue, c'est un de mes kiffs, Les Seven Lions. J'adore ce qu'ils font en général. Et là, ça m'a fait très plaisir de les voir, eh bien, de nouveau dans Happy Dance 35, puisque vous l'avez entendu au début d'émission, leur dernier single était sorti, en tout cas pour cette semaine, mais ça a été remplacé, et heureusement. Bref, tout de suite, on repart avec plus de musique, il va y avoir du Grimes, du Jack Jones et du Al Anderson dans This Is Real, et tout de suite, c'est Falling In Love de Dennis Cruzan et Andrew Langston, numéro 32 de cette semaine, et qui perd 9 places par rapport à la semaine dernière. Bonne écoute, et bienvenue dans Happy Dance 35. Hit numéro 32. What do you do when your heart starts racing? And your mind don't control what it thinks at time. In the clouds and it feels like heaven. While you're here then you know you'll be just fine. For you know that you're intoxicated. Fall asleep to a kiss that tastes like wine. But even dreaming know you can't escape it. Once it's over then you can't wait to press rewind. Guess it's just how it goes. And I hope I'm not alone. Cause I think I'm falling in love. I think I'm falling in love. I think I'm falling in love. Love. I guess I'm falling in love. Love. I think I'm falling in love. Falling in Love à l'instant, donc de Dennis Cruzan et Andrew Langston, c'est le numéro 32 de cette semaine. Restez bien dans Happy Dance 35, puisque d'ici quelques instants, c'est Darkseid qui arrive avec Grimes et Pound, numéro 31 de la semaine. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 31. Je me sens down. Don't show an angle, we gonna bubble dash. Don't show them a whole lot, just to show me the cancer. Only in us, it's time you fall by the don't shit. And I could never get 29. Was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks, and power, but all that glows and always gold. And just give me some love, 'cause I'm running out of that feeling. Doctor, prescribe me that drug, 'cause I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Turn me on, healing. Baby, turn me on, turn me on. Les amis, c'était donc Turn Me On à l'instant de Riton avec Oliver Eldens et Vula, numéro 29 de cette semaine et qui a perdu 3 positions par rapport à la semaine dernière. J'espère que vous passez en tout cas un très bon moment en ma compagnie. C'est toujours Ismaël pour vous accompagner et bien dans Happy Dance 35. Surtout en cette période de coronavirus, n'hésitez pas à vous refaire les anciens épisodes et bien de l'émission. Pour ça, vous pouvez aller notamment sur ma page Facebook et mon Twitter, à savoir Happy Dance 35, pour et bien retrouver le lien des dernières émissions et carrément du site internet. Voilà, de l'émission qui s'appelle Happy Dance 35. En attendant, on va arrêter de parler de tout ça, on va revenir sur des choses positives, puisque tout à l'heure on aura Baila Conmigo de Jennifer Lopez, qui est 26ème. On aura aussi encore de la nouveauté avec toujours du Grimes, ça sera Idoru, sorti bien évidemment et extrait de l'album Miss Anthropocene. Et tout de suite, c'est On My Mind de Diplo et Side Piece, qui est toujours présent dans le top 35 et qui gagne 4 places cette semaine. Hit numéro 28.

Hit numéro 24. Je sais pas les amis si vous ressentez l'amour aujourd'hui en écoutant Happy Dance 35, mais je peux vous dire que moi j'ai senti I Feel Love. C'est le single de Sam Smith que l'on vient d'écouter ensemble. Et bien dans l'émission, c'était le numéro 17 de la semaine dernière, il a perdu 7 places et c'était donc le numéro 24 à l'instant. Restez bien dans l'émission puisque eh bien on va écouter du Claire Boucher à suivre. Alors Claire Boucher en vrai c'est le vrai nom tout simplement eh bien de la chanteuse et DJ si je puis dire Dreams, voilà. Et d'ailleurs c'est sachez qu'elle est actuellement avec Elon Musk depuis quelques années et attend un enfant depuis bien janvier de cette année de lui. Donc d'ici les mois à venir, fin d'année, on va avoir un petit Musk qui va naître. Voilà, c'était pour les petits topos un petit peu sur cet album que l'on découvre cette semaine dans Happy Dance 35 qui s'appelle donc Miss Anthropocene. Pour l'instant, on continue avec deux nouveautés de Grimes, c'est 4AEM et My Name is Dark. 2 heures de meilleure hit music with Dance Electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 23. I'm not afraid to

heures de meilleure hit music with dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Happy Dance 35. Les amis, ça fait une heure que nous sommes ensemble dans cette émission d'Happy Dance 35. J'espère que vous êtes toujours à fond avec moi pour la suite. Eh bien, qui va arriver? On va enchaîner avec plein de musique et toujours plus de Grimes et donc plus de nouveautés à travers cet extrait de son album qui s'appelle Miss Anthropocene. Vous pouvez d'ailleurs aller checker tous les réseaux sociaux de Grimes. Hein, et puis, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui viennent de nous rejoindre après une heure d'émission, tout simplement, Grimes, son vrai nom, c'est Claire Boucher. Et faut savoir, voilà qu'elle sort avec Elon Musk et elle est enceinte depuis le mois de janvier de cette année, donc bientôt dans le courant de cette année 2020 on aura le droit à un petit Musk, pas un nouveau Elon Musk, parce que voilà, Elon Musk, ça sera peut-être Elon Musk Junior. Enfin bref, on n'est pas là pour savoir comment s'appellera l'enfant, on s'en fiche ou pas, bon ça dépend parce que SpaceX etc, enfin voilà, on connaît bien. Enfin bref, j'arrête de m'étaler sur le sujet les amis, n'oubliez pas de vous abonner aussi aux réseaux sociaux de Happiness 35, à savoir tout simplement le Facebook et le Twitter, vous tapez HappyDance35 et vous tomberez dessus, et dans le pire des cas, vous tapez HappyDanceEDM et ça sera pareil, et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le site internet, hein, HappyDance35lepodcast.fr, et puis voilà, vous aurez accès directement aux anciennes émissions pour pouvoir les réécouter quand vous voulez, et même les télécharger gratuitement. Elle est pas belle la vie, surtout quand les choses sont gratuites. Surtout, et bien maintenant, on va repasser un petit peu du côté musical, voici ce qui arrive d'ici quelques minutes, c'est Five de Galantis. Un single qui vous fait avoir le sourire et surtout qui vous donne envie de bouger, ça tombe bien et c'est parfait, ça arrive donc d'ici quelques minutes. Et puis ma chanson préférée, je vous avoue, du top 35 et ce depuis quelques mois déjà, c'est Alone Walker avec Ava Max sur Alone partie 2. Cette chanson, pour moi, elle est magique. Et puis c'est pas tout, il y a aussi Martin Garrix, Used to Love, l'amour est présent. Martin Garrix qui est l'un des plus jeunes DJ au monde à avoir été numéro 1 dans le DJ Mag, franchement. Tout ça, ça arrive juste après une nouveauté, So Heavy I Fell Through the Earth de Grimes. Bienvenue dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 18. Oh,

Take my hand and stay with me, my dear. I think you broke my heart again. Please don't leave and take my hand. Drowning inside these holes of fear. Take my hand and stay with me. Les amis, à l'instant, c'était le numéro 11 de la semaine. Vous connaissez, c'est Tekkoi et Aiko sur You Block My Heart Again, qui est présent depuis 4 semaines eh bien, dans le top 15 de Happy Dance 35. Et j'espère qu'il y restera, peut-être même la semaine prochaine, dans le top 10. En tout cas, tout de suite, justement, on va rentrer dans le top 10 avec plein de chansons. Tout à l'heure, on aura Kekalor de Major Lazer et J Balvin. On aura Post Malone de Sam Feld, Take Away des Chainsmokers. Et tout de suite, c'est le dernier single de Grimes que l'on découvrira pour cette semaine. C'est You Will Miss Me When I'm Not Around, nouveauté dans Happy Dance 35. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 10. You have for takeaway.

sometimes good things fall apart. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Chers amis, auditeurs et auditrices d'Happy Dance 35, nous arrivons dans le dernier quart d'heure de l'émission. Il nous reste exactement 5 chansons à découvrir. C'est les 5 meilleurs tubes EDM de cette semaine. Alors préparez-vous, puisque d'ici quelques minutes, il y aura en numéro 4 DJ Regard sur Ride It. Vous connaissez très bien ce single, il est présent depuis 31 semaines dans le top, eh bien 100 des meilleures musiques EDM, et bien moins, bien évidemment, dans le top 35. En tout cas, il a gagné une place cette semaine, et puis Lost Control de Medusa, ça arrive juste après. En fait, quand je vous dis que ça arrive juste après, c'est en fait tout de suite dans Happy Dance 35, c'est le numéro 5 de la semaine. Numéro 5. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the edge. Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? Could you be the one to call when I lose control? Change the atmosphere. All I ask from you is patience. Some patience. Some patience. Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to go when I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control, when I lose control, when I lose control, when I lose control, could you be the one to call when I lose control? Numéro 4. Time I need to feel you.

Les amis, l'émission de cette semaine touche à sa fin. Et oui, c'était Ismaël avec vous pour vous accompagner durant ces deux heures de pure folie où on a pu découvrir eh bien 9 titres d'un seul et unique album, d'un seul et unique même artiste. En fait, c'était effectivement Miss Anthropocy, tout simplement de Grimes. Voilà, superbe artiste que cette semaine on a vraiment bien découvert en profondeur. Ça fait très bizarre dit comme ça, mais bon, ne pensez pas à des choses bizarres, s'il vous plaît. Il n'y en avait pas du tout. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé comme moi eh bien toutes ces chansons, qu'elles soient classées numéro 35 ou numéro 1. Bon, je vous avoue quand même que quand on entre sur des chansons du style Ritmo de Black Eyed Peas, Happy Hour de Marshmello, I Girl Love et plein d'autres chansons, voilà, qu'on a pu écouter déjà pendant des semaines et des semaines, c'est plus facile de les apprécier. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les nouveautés de cette semaine, notamment le titre des Seven Lions. Sur ce, les amis, n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner aux réseaux sociaux de l'émission, bien évidemment. Vous tapez sur Facebook ou Twitter HappyDance35 ou HappyDance35EDM, vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez aux notifications, et puis voilà, vous serez au courant des dernières news en ce qui concerne bien évidemment tout le monde de l'EDM. Sur ce, je souhaite à tous de passer une très bonne semaine ou une très bonne journée, et puis à bientôt et à la prochaine pour un nouvel épisode d'HappyDance35.